Sale panorama marocain, on se fait un kiff à Ketama. J'prends du mana au Japon, la puissance de Saitama, d'Akira, d'Akuma, de Sakura ou de Jiraya. Hey Brahma, j'suis en Inde avec Shiva, le penseur cosmique. Indica, Sativa à la vitesse supersonique. La mer Kaba se déplace dans les étoiles, à peine au Népal. Voyage m'emmène au Sénégal, t'as compris. Les zones, c'est une écriture à part. C'est technique comme trouver Shenron sans l'aide du radar. Voyage et magie, connaissance, la pratique, l'excellence, fait la diff, l'expérience, c'est la vie, tous les jours et ça passe vite. Oui, ça passe vite, tout est relatif, c'est basique comme mes plantes de cannabis. Voyage chamanique, voyage humanitaire, voyage dans l'univers, voyage fantastique. De Sydney à Paris, reste pas bloqué dans le trafic. Voyage, vas-y fonce, même si tu ressens un vent de panique. À Bali, aux Canaries, j'suis dans mon temple au paradis. Ma vie est animée comme les œuvres d'Hayao Miyazaki. Vraiment désolé de déconner, de profiter et d'explorer, de manger la vie avant de me faire dévorer. C'est voyage Kamisala, le langage en Éthiopie. Du Kenya à la Russie, on utilise tous Inch'Allah. Le bonheur tu choisiras. Voyage t'emmènera dans les bras de Katia, de Morphée et de Sabrina. Ça ira, c'est encontrará en la playa de Arena, en Belmal, en la casa de Madera. T'inquiète pas, ça ira. Ça recommence à chaque fois, c'est Maya comme un concert de Lady Gaga. Des étoiles plein la tête, plein les yeux, plein les oreilles. Tu crois encore que le bonheur s'achète avec de l'oseille. Voyage de Chihiro dans la ville de Jericho, Como te llamas, Chico au Guatemala. Voyage, voyage, voyage, voyage, voyage.